l'on croyait c'est vrai, mais qui ne l'était pas. Il aimait une belle, il en voulait même, de lui ne voulait pas. Non, je ne le dirai pas.